voisine de Timo Vassile, consacré changez autres. Voisin, voisine, écoutez-moi, pas faire des autres. Écoutez-moi, voisine, de Timo Vassile, consacré changez autres. Moi, t'as trouvé en voisinage, ça m'a bien vos autres. Écoutez-moi, voisine, de Timo Vassile, consacré changez autres. Au lieu zot papier, j'ai besoin de main dans la main, avec sincérité, bonne harmonie. Écoutez-moi, ma gazote pour me. Écoutez-moi, voisine, des timons faciles, consacré, changez autres. Camarade, chère voisine, pas attaquer des autres. Écoutez-moi, voisine.